Section 38 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e. Section 38. Souvenirs sur Honoré de Balzac, par Théodore de Banville. Je n'ai vu qu'une seule fois en ma vie le grand Honoré de Balzac. Cependant, je crois être un des hommes de ce temps-ci qui l'ont le mieux connu. Ceci exige une explication qui, naturellement, fournira le thème de cette historiette. Le 25 juillet 1848, il y eut dans une des salles de l'Institut une assemblée de tous les littérateurs qu'on avait pu réunir. On s'assemblait alors à propos de tout et à propos de rien. Il s'agissait cette fois de réformer l'organisation de la Société des gens de lettres, et de faire de cette placide association quelque chose de raisonnable et qui ne fût pas absolument inutile aux gens de lettres. Comme dans presque toutes les assemblées connues, il se trouva dans celle-là des hommes éloquents et passionnés, les Mirabeaux aux voix de tonnerre, dont le geste soufflait l'orage et la nuée, des hommes d'esprit qui trouvent la note inattendue et de deux cailloux font jaillir une flamme, des anecdotiers ayant le mot pour rire, et quelquefois même pour faire rire, des prud'hommes pompeux, de doux jocrisses, et surtout la tribu innombrable des diseurs de rien du tout, faisant retentir dans l'air un bruit sonore et quelconque. En somme, on exprima force bêtises, force niaiseries, force belles choses, et on se sépara comme le jour baissait, sans avoir proposé rien qui eût le sens commun, dénouement qu'il était aisé de prévoir. Pour moi, en entendant affirmer telle proposition erronée, émettre tel projet absurde ou simplement irréalisable, j'avais été 100 fois sur le point de prendre la parole pour établir ce que je crois être la vérité ou pour indiquer ce que je crois être le salut. Mais toujours, je m'étais senti arrêté par un profond découragement en voyant comme la discussion, tour à tour naïve, orageuse et brillante, s'égarait dans le vide et restait à 1 000 lieues de tout terrain pratique. Une des fois que je relevais ainsi la tête, prête à m'écrier et restant muet, je vis en face de moi, à l'autre bout de la salle, un homme à la tête lumineuse, puissante, chevelue, éclairée par toutes les flammes de la bravoure et du génie. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais je le reconnus sans hésitation d'après ses portraits, et surtout d'après sa ressemblance avec son œuvre. Car à qui aurait pu convenir ce vaste front, ces mèches sculpturales, ces yeux de feu, ce long nez héroïque et bizarre, ces lèvres sensuelles, cette barbe à la Rabelais, ce col athlétique de dieu ou de taureau, sinon à l'infatigable créateur de la comédie humaine? En même temps, il fut évident pour moi, et d'ailleurs je le vis clairement dans son regard, que Balzac lisait dans ma pensée, comme si mon crâne soulevé lui eût laissé voir à nu mon cerveau recevant directement les impressions les plus variées et les plus violentes. En effet, selon que ma pensée suivait tel ou tel cours, il y avait tour à tour dans ses yeux et sur ses lèvres l'approbation, le blâme, la bienveillante pitié, l'encouragement amical et doux, l'invincible ironie. Ma pensée, elle marchait avec une rapidité folle, comme une montre détraquée. Moins je parlais, plus j'avais de choses à dire, et mes tempes se seraient, je crois, brisées si l'on eût enfin quitté la salle des séances de l'Institut, où les poètes n'entrent que pendant la Révolution. Comme on sortait, je sentis un bras, celui de Balzac, passer sous le mien, et sans autre préambule, le grand homme continua avec moi la conversation commencée. Où l'avions-nous commencée? Dans Orion? Dans Sirius? Dans quelle étoile? Dans quelle vie antérieure? Cela, je ne me le demandais pas, et je ne pouvais nullement songer à me le demander, car j'étais entré violemment dans un courant surnaturel où j'avais tout à fait perdu la faculté d'être étonné. Vous avez raison, me dit Balzac, répondant à ma pensée que nulle parole n'avait traduite, car il s'agit non pas de modifier des fleurons ou des arabesques, mais de démolir l'édifice à ras de terre et de le reconstruire. La littérature, dont tous les arts procèdent et qui chaque jour les crée à nouveau, a seule fait la grandeur de la France et son incontestable supériorité sur les autres nations. C'est pourquoi la France doit compter avec elle. Son rôle de reine de la civilisation, elle ne le remplira réellement que du jour où elle aura voulu que la littérature ait le pouvoir dans l'ordre des faits, comme elle l'a dans l'ordre des idées, et alors seulement elle sera aussi avancée que la Chine. Ce point de vue, le maître le développa avec une puissance de logique, avec une furie d'invention, avec un luxe d'image que peut supposer tout lecteur de la comédie humaine. Je me rappelle l'enchaînement de ses idées, et il me semble être encore au moment où elles traversaient et brûlaient mon cerveau comme des serpents de feu. Mais je ne commettrai pas le sacrilège de traduire une conversation de Balzac et d'en rien transcrire ici, sinon les mots mêmes dont je me souviens. Nous marchions dans les rues où les toits semblaient embrasés par un ardent coucher de soleil aux vapeurs rouges, et en rien de temps, l'hippogriffe, la pensée du grand créateur, avait fait en m'entraînant sur ses traces un chemin de géant. Il m'avait fait voir dans une improvisation inouïe le passé, le présent et l'avenir de tous nos arts littéraires. Ah, je vous envie, me dit-il un moment plus tard. J'avais envie de protester, non de dire, car j'étais muet, mais de penser, vous vous moquez de moi. Il ne m'en laissa pas le temps. Je ne vous adresse pas, continua-t-il, un éloge que vous mériterez dans 10 ans peut-être, si vous vous appliquez obstinément à devenir un bon ouvrier. Mais je vous envie en tant que poète lyrique, car votre art est le seul auquel appartienne l'avenir. Dans une société où le luxe grandit chaque jour, quoiqu'elle devienne de plus en plus démocratique, les théâtres, dont les dimensions vont s'accroître indéfiniment, n'auront plus l'intimité. Les petites proportions et la pauvreté relative dont ils ont besoin pour qu'on puisse y embrasser les conceptions de la poésie et en savourer les nuances délicates. D'ailleurs, c'est dans un théâtre misérable, comme ceux où furent jouées les pièces de Hardy et de Shakespeare, que la poésie prodigue tous ses trésors, car alors elle supplée à elle seule tout le reste. Mais comme l'a dit Philarète Schall, à mesure que le spectacle se perfectionne, l'art dramatique s'efface et disparaît. Dans les grandes salles confortables et splendides, la danse, la musique, la pantomime, les panoramas, se substitueront promptement à la parole et deviendront les seuls modes d'expression qu'emploiera alors le théâtre. Quant au roman, de plus en plus voué aux études physiologiques, une science à peine née, l'anthropologie, doit le métamorphoser complètement et il viendra se fondre dans une des subdivisions de l'histoire et de l'histoire naturelle. La science, enfin, car ce sera l'œuvre de notre temps d'élever toutes les créations de l'esprit à l'état scientifique, absorbera dans ses manifestations diverses tous les genres littéraires, excepté celui auquel vous vous êtes voué. Aussi viendra-t-il un temps où le seul moyen de gagner de l'argent et d'amasser des capitaux sérieux sera de savoir faire les vers. Il est probable qu'aujourd'hui encore, si j'entendais affirmer une énormité pareille, je deviendrais fou de stupeur. Mais je le répète, j'étais ce jour-là dans des conditions particulières et j'avais perdu la faculté d'être étonné. Que serais-je devenu sans cela, bon Dieu, vivant en plein miracle et voyant de mes yeux se réaliser plus de prodiges que je n'en avais rêvé en aucun temps? Le plus grand sans doute, et celui qui serait le plus incroyable, si l'on ne savait que le génie agrandit, vivifie et transforme despotiquement ce qui l'approche, c'est que pendant de longues heures, je causais avec Honoré de Balzac, sans avoir ouvert la bouche et sans qu'il eût entendu matériellement le son de ma voix. Non pas, il s'en faut de tout, que cette longue conversation du grand écrivain ait été un monologue. C'était bien au contraire une causerie vive, animée, contradictoire avec ses objections, ses incidents, ses oppositions, ses répliques, ses chocs inattendus et rapides. Seulement, ce que je devais dire, Balzac l'entendait avant que j'eusse parlé, presque avant que j'eusse pensé, le lisait plutôt, et répondait à ma pensée au moment même où elle se formulait en moi. Comment ma tête n'éclatait pas? C'est ce qu'il me semble difficile de comprendre aujourd'hui. Il est certain pourtant que, loin d'éprouver aucune lassitude, je me sentais fort, rasséréné, comme si je ne sais quel élixir héroïque eût été infusé dans mes veines. En aucune façon, d'ailleurs, je n'étais plus moi-même. Mes forces physiques et mes forces intellectuelles s'étaient trouvées tout à coup décuplées, centuplées, que sais-je. Car d'une part, il me fut possible de faire avec mon illustre compagnon 10 lieues peut-être dans Paris, sans me reposer et sans ralentir le pas, chose inouïe pour moi, éternel malade. Et d'autre part, je voyais clairement les liaisons et les attaches d'un discours d'où, en apparence, toutes les transitions étaient supprimées, Car physiquement et matériellement, le maître sautait d'un sujet à un autre, à mille autres, sans qu'il parût y avoir entre eux la moindre analogie. Mais les propositions intermédiaires, qui presque toujours eussent demandé des volumes d'explications, s'écrivaient d'elles-mêmes et lisiblement dans mon cerveau. Ce n'est pas assez de dire que je les imaginais et que je les devinais. Je les voyais. Nous marchions cependant avec une telle rapidité que les décors parisiens passaient, défilaient, se succédaient devant mes yeux avec une violence vertigineuse, comme on les voit en voyageant dans un train express lancé à toute vapeur. Tantôt c'était la solitude, les hideuses murailles, les maisons à ateliers, les passants en guenilles des boulevards extérieurs. Puis, presque aussitôt, les riches devantures, meubles, coffrets, tableaux, étoffes précieuses des quartiers élégants, et les cafés tumultueux et flamboyants où le gaz venait de s'allumer. Puis le silence, l'odeur balsamique des fleurs et des feuillages, m'avertissaient que nous passions près du Luxembourg ou du Jardin des Plantes. Puis les larges trottoirs, doux sous les pieds comme des tapis, m'indiquaient ensuite que nous étions dans le quartier de la Madeleine. Puis c'étaient les ombrages noirs du bois de Boulogne, et un moment après, il me semblait que c'était un moment, les quartiers bruyants, tantôt la place Maubert avec ses chiffonniers avinés, ou bien le faubourg Saint-Antoine, où retentissaient de lourds chariots et des bruits de ferraille. Un moment après encore, sous des ombrages d'un vert cru, vif et charmant, je voyais passer des calèches pleines de femmes parées, aux toilettes claires, gantées de frais, souriant, montrant leurs dents blanches, et ça et là, un rayon perdu accrochait un diamant de leur parure, et vivement enlevé un gai paillon de lumière. Plusieurs fois, nous avons parlé, moi toujours silencieusement, à des portiers, et nous sommes entrés dans des maisons. Qu'allions-nous y faire? Il me parut que c'était toujours chez Balzac, dans quelques-uns de ses divers domiciles, mais que nulle part nous n'avions pris le temps de nous asseoir, ni même de nous arrêter. Je me rappelle, au quartier latin, une sorte de cellule d'étudiants où il y avait sur une table de bois blanc des feuillets de copies chargés de ratures et un encrier en faïence à fleurs. Sur le mur, une tête de femme d'une expression divinement désespérée, toute petite toile encadrée dans une très large bordure d'or aux gorges profondes, faisant comme des fleuves de lumière. Puis à un autre moment, comme Balzac, en m'expliquant le grand monde et en me parlant de Madame d'Espard, me disait pour m'expliquer le lieu de la scène, un salon comme celui-ci? Je m'aperçus que nous entrions en effet dans un salon. Je me souviens que nous venions de gravir un bel escalier stucqué, que Balzac avait ouvert la porte d'un appartement avec une toute petite clé, qui m'avait rappelé celle de Thisbé dans Angelo, et qu'à notre approche, un grand valet de chambre à cheveux blancs, entièrement vêtu de noir, s'était respectueusement retiré. Là, les meubles, curieusement sculptés et dorés, était recouvert d'une sorte de satin blanc de Chine à vives broderies de fleurs et d'oiseaux, où dominaient le jaune et l'écarlate. Le tapis, aux couleurs vives et très harmonieuses, était formé de carrés dissemblables. Sur les tables dorées, il y avait des tapis faits de broderies d'or et d'argent, tout à fait mat, et donnant l'idée d'une étoffe presque terne. Et je remarquai surtout un lustre uniquement composé de roses en vert couleur de rose, avec leur feuillage. Mais quand je compris que j'avais le désir d'en regarder les détails intéressants et compliqués, car les roses étaient jointes entre elles par des guirlandes de roses plus petites, nous étions déjà bien loin de là, dans une étroite rue où grimaçaient des pignons gothiques tout noircis, aux charpentes apparentes façonnées en sculpture, et où un pâle voyou aux cheveux noirs collés, à la cravate rose sur un bourgeron sordide, vendait des cahiers de chansons et psalmodiait d'une voix traînante « Chacun me nomme avec orgueil, Charlotte la républicaine. Je suis la rose plébéienne du quartier Montorgueil. » Les rues, les places, les carrefours passaient, mais je ne les voyais plus, emportés dans une bien autre magie, dans la conversation inépuisable et toujours renaissante de Balzac, qui, ainsi que sur un théâtre, me montrait une succession de toutes les scènes, sans doute, qui ont eu lieu avant et depuis le commencement de l'humanité. Les théogonies et les genèses, les luttes de géants et de dieux, les destructions de monstres, les rois de la Bible, les héros de l'Inde tueurs de nations, les séleucus sur leurs chars attelés de tigres, Alexandre VI faisant danser aux noces de sa fille les courtisanes nues, puis, que sais-je, Catherine de Médicis, Talleyrand, Napoléon. Ici, un bureau de journal, une recette pour empaumer les éditeurs et les directeurs de spectacle. Là, un désert d'Afrique, nu dans la lumière. Venise folle et sanglante, puis la Norvège de Serafita avec ses montagnes de glace et de neige. Et enfin la comédie humaine, mais animée, vivante, jouée par 1000 acteurs en un seul, qui tous avaient le génie de Talma ou de Frédéric. Je vis de Marsay gouvernant l'Europe et les femmes, Monier Bixion inventant des mystifications à décorner le taureau du zodiaque, Georges Sand ou Camille Maupin à 30 ans, rose par-dessous le hâle, avec ses grands yeux de feu aux prunelles noyées comme la pénigéniole. Rastignac, Nucingen Rothschild exploitant des carrières de pierre philosophale, Vidocq Vautrin, empereur du bagne, avec ses harems, ses soldats, ses mamelouks dévoués jusqu'à la bêtise, et ses marchandes à la toilette auprès desquelles Richelieu et Olivares n'auraient pas été bons à faire des gardes champêtres. Je vis, ô ciel, et c'est alors que tout le sang envahit mon cerveau et que j'use une hallucination couleur de feu, comme les assassins ont des hallucinations couleur de sang, je vis demi-nu en son boudoir, la jambe chaussée d'un bas de soie transparent, et rêvant, rose, excitée par une ardente songerie amoureuse, tout échevelée, vêtue seulement de batistes cornées de précieuses malines, ses reines de dentelle faites au fuseau, Madame de Maufrigneuse elle-même. Je vis sur le dos impérieux et charmant de cette Diane ce qu'elle n'avait pas montré à son amant le plus adoré, un cygne. Ah, quels élans, quelle harmonie de mots, quelle fleur de poésie lyrique, eussent dignement célébré ce cygne délicieux, brun, fauve, sur la peau d'un blanc lumineux et chaud. Mais au moment où j'allais m'écrier « Que sais-je ?», courir vers elle, en dépit de toutes les convenances, un brusque, un cruel sursaut retentit dans ma tête. En effet, le grand Balzac et moi, nous venions de nous arrêter devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, très éclairé, dont les abords étaient encombrés d'une foule tumultueuse, et je me rappelais avec une netteté intense qu'il fallait que j'y entrasse. Après un ébranlement de tous mes nerfs, si j'avais dû assister à un spectacle ordinaire et calme, je serais mort certainement, par une réaction qu'il est facile de supposer. Mais heureusement, le spectacle auquel j'assistais ne fut pas calme. C'était la première représentation de Tragaldabas. Applaudissements exaltés, cris, sifflets, hurlements, la foule en délire, un orchestre de grands hommes, où Victor Hugo faisait l'effet du chef d'orchestre, les apostrophes, les provocations, les menaces, les défis homériques s'échangeant d'une galerie à l'autre, et par-dessus cette basse formidable, Frédéric, éloquent et furieux, adressant aux siffleurs, comme une bravade, les superbes vers ironiques de son rôle. C'était, oh, c'était bien l'orage, le déchaînement, qui alors était bien indispensable à l'état de mon âme, et sans lesquels je serais tombé foudroyé par la fatigue. Une fois le rideau tombé sur le fameux vers, « Et vous sonnez, clairon, ainsi que pour un âne !» Je sentis une faim de naufragé, car je n'avais rien mangé depuis 15 heures. Je me dirigeai, par je ne sais quelle instinctive préférence, vers un restaurant célèbre alors, mais dans lequel je n'étais jamais entré, et résolument je suivis, au premier étage, le corridor des petits salons réservés aux bonnes fortunes et à la causerie intime. La porte d'un de ces petits salons était ouverte. Je vis à une table Balzac et 2 couverts mis. Le potage était déjà servi dans les assiettes. « Allons !» me dit le grand homme. Et il ajouta « Le cabaretier X est un homme de génie, parbleu. Mais précisément parce que ses bisques sont des chefs-d'œuvre, il faut qu'elles soient savourées comme un baiser de duchesse espéré depuis 1 an. Et elles ne doivent pas attendre, fût-ce 1 minute. » Fin de la section 38.